comme tout bon trappeur de temps en temps. Je nettoie ma chaumière, je la stique. Consciencieusement, du sol au plafond, je la vrille. Je retrouve des choses perdues, je retrouve des choses vitrues. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une boîte à malice. J'ai jamais vu ça, y'a un couvert que je dévisse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la boîte de Panda. J'ai jamais vu ça. Ah, ça pue la mort. Ah, mais qui es-tu? Ah, ah, je suis le génie qui peut les pieds. Comme tout bon trappeur de temps en temps, consciencieusement, du sol au plafond, je la stique. Je retrouve des trucs perdus, je retrouve des choses vitrues. Génie, génie, exauce mes voeux et je te libère. Pauvre génie, dans ta boîte tu dois manquer d'air. Génie, tu pues, mais tu vas m'offrir des merveilles. Écoute-moi bien, je vais te les dire à l'oreille. Moralité.